Leçon 1, du 26 mars au 1er avril, la création. Samedi après-midi, verset à mémoriser. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1 au verset 1. Le livre de la Genèse et par conséquent toute la Bible commence par les actes de création de Dieu. Ce fait est très important car il veut dire que notre création marque le commencement de l'histoire humaine et biblique. Cette vérité implique également que le récit de la création dans Genèse a la même véracité historique que d'autres événements de l'histoire humaine et biblique. Les deux textes de création de Genèse 1 à 2 comportent de leçons sur Dieu et l'humanité. Dans notre étude de cette semaine, nous comprendrons mieux la signification profonde du sabbat du septième jour. Nous réfléchirons à cet acte de création des humains à l'image de Dieu et à partir de la poussière. Nous serons intrigués par l'apparence d'être de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et par son rapport avec l'arbre de vie. La leçon la plus importante des récits bibliques des commencements est une leçon de grâce. Notre existence est purement un acte de grâce. Dieu a créé les cieux et la terre, tandis que les humains n'étaient pas encore présents. Tout comme notre création, notre rédemption est aussi un don de Dieu. Et quelle profondeur spirituelle que les notions, création et rédemption, existent dans le commandement du sabbat du septième jour. Dimanche 27 mars, le Dieu de la création. Lisez Somme 100 au verset 1 à 3. Quelle est la réaction humaine au Dieu de la création et pourquoi? Dans Genèse 1, le premier message du récit de la création est Dieu. Nous l'entendons déjà dans la traduction « Au commencement, Dieu ». Genèse 1 au verset 1. Dans le premier verset de Genèse 1 au verset 1, le mot « Dieu » est placé au milieu et il est souligné par l'accent le plus fort du chant liturgique traditionnel hébreu afin de souligner l'importance de Dieu. Le texte de la création commence ainsi avec l'accent mis sur Dieu, l'auteur de la création. Le livre de la Genèse commence en réalité par deux présentations différentes de Dieu. Le premier récit de la création, Genèse 1 au verset 1 à 2 verset 4, présente Dieu comme étant infiniment loin des humains, le Dieu transcendant, Elohim, dont le nom évoque la suprématie de Dieu. Le nom Elohim dénote la prééminence et la force, et l'emploi de la forme plurielle du mot Elohim exprime l'idée de majesté et de transcendance. Le second récit, Genèse 2, versets 4 à 25, présente Dieu comme proche et personnel, le Dieu Yahvé, Adonai, immanent, comme le nom signifie, selon beaucoup de gens, proximité et relation. Le texte de la création dans son ensemble est ainsi un appel implicite à adorer Dieu. D'abord à être conscient de la grandeur et de la puissance infinie de Dieu et en même temps à reconnaître notre dépendance envers lui parce qu'il nous a créés et non pas nous. Somme 100 au verset 3. C'est la raison pour laquelle de nombreux psaumes associent souvent l'adoration à la création, comme le psaume 95 au verset 1 à 6, le psaume 139 au verset 13 et 14, voire Apocalypse 14 au verset 7. Cette double conception de Dieu qui est à la fois majestueux et puissant, mais aussi proche, aimant et en relation avec nous, contient une idée importante sous la manière dont nous devons nous approcher de Dieu dans l'adoration. La crainte et la révérence vont de pair avec la joie et l'assurance de la proximité de Dieu, de son pardon et de son amour. Voir Psaume 2 au verset 11. Même la séquence des deux présentations de Dieu en dit long. L'expérience de la proximité de Dieu et l'intimité de sa présence suivent l'expérience de la distance de Dieu. Ce n'est qu'une fois que l'on réalise que Dieu est grand, que nous sommes même d'apprécier sa grâce et de profiter en tremblant de sa présence merveilleuse et aimante dans nos vies. Réfléchissez à la puissance immense de Dieu qui soutient le cosmos et qui pourtant peut être aussi tellement proche de nous. Pourquoi cette vérité extraordinaire est-elle si extraordinaire? Lundi 28 mars, la création. Lisez Genèse 1, versets 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 et Genèse 2 au verset 1 à 3. Quelle est la signification du refrain « C'était bon » dans le premier récit de la création? Quelle est la leçon implicite de la conclusion de la création dans Genèse 2 au verset 1 à 3? À chaque étape du récit de la création, Dieu évalue son œuvre comme étant « bon »,« tov ». On comprend généralement que cet adjectif signifie que l'œuvre de création de Dieu était réussie et que l'observation de Dieu qu'elle était bonne signifie ça fonctionne. La lumière éclairait, Genèse 1 verset 4, les végétaux dominaient du fruit, Genèse 1 verset 12, et ainsi de suite. Mais ce mot renvoyait à bien plus que l'efficacité d'une fonction. En hébreu, le mot tov est également employé dans la Bible pour exprimer une appréciation esthétique de quelque chose de beau. Genèse 24, verset 16. Il est également utilisé en opposition avec le mal. Genèse 2, verset 9, qui lui est associé à la mort. Genèse 2, verset 17. L'expression « c'était bon » signifie que la création fonctionnait bien, qu'elle était belle et parfaite et qu'il n'y avait pas de traces de mal en elle. Le monde n'était pas encore comme notre monde, affecté par le péché et la mort, idée affirmée dans l'introduction du second récit de la création de Genèse 2 au verset 5. Cette description de la création contredit fondamentalement les théories de l'évolution qui déclarent de manière dogmatique que le monde s'est formé tout seul progressivement par une succession d'événements accidentels à partir d'une condition inférieure jusqu'à une position supérieure. Par opposition, l'auteur biblique affirme que Dieu a créé le monde de manière délibérée et soudaine. Rien n'était dû au hasard ou à la chance. Le monde n'est pas venu à l'existence de Dieu lui-même, mais en conséquence de la volonté de la parole de Dieu, selon Genèse 1, verset 3. Le verbe « bara », créer, traduit dans Genèse 1, alors que dans le commencement Dieu créa les cieux et la terre, n'apparaît qu'avec Dieu comme sujet, et il dénote une soudaineté, Dieu parla, et il en fut ainsi. Le texte de la création nous informe que tout a été fait à ce moment-là, Genèse 1, verset 31, et d'après le Créateur lui-même, tout était jugé très bon, Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 1, présente l'événement lui-même, la création des cieux et de la terre. Et Genèse 2, verset 1, déclare que l'événement était terminé et tout fut achevé, y compris le sabbat en 7 jours. Pourquoi l'idée de milliards d'années d'évolution invalide-t-elle complètement le récit génésiaque de la création? Pourquoi les deux conceptions sont-elles en tout point incompatibles? Mardi 29 mars, le sabbat. Lisez Genèse 2 au verset 2 et 3, Exode 20 verset 8 à 11. Pourquoi le sabbat du septième jour est-il lié à la création? En quoi ce lien affecte-t-il la manière dont nous observons le sabbat? C'est précisément parce que Dieu a achevé ses œuvres de création qu'il a institué le sabbat. Le sabbat du septième jour est par conséquent l'expression de notre foi que Dieu a terminé son œuvre à ce moment-là et qu'il l'a trouvée très bonne. Observer le sabbat, c'est se joindre à Dieu dans la reconnaissance de la valeur et de la beauté de sa création. Nous pouvons nous reposer de nos œuvres tout comme Dieu s'est reposé des siennes. Garder le sabbat signifie dire oui à la création, très bonne de Dieu, ce qui inclut notre corps. Contrairement à certaines croyances anciennes et modernes, rien dans les Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ne dénigre le corps comme étant mauvais. Il s'agit d'un concept païen et non biblique. Les observateurs de sabbat, au contraire, sont reconnaissants pour la création de Dieu, ce qui inclut leur propre corps, et voilà pourquoi ils peuvent profiter de la création et pourquoi ils en prennent soin. Le sabbat qui marque la première fin de l'histoire humaine est également un signe d'espoir pour l'humanité souffrante et les gémissements du monde. Il est intéressant de noter que l'expression « acheva l'œuvre », selon Darby, réapparaît à la fin de la construction du sanctuaire, en Genèse 40 au verset 33, et à nouveau à la fin de la construction du temple de Salomon, dans 1 Roi 7 au verset 40 et 51. Les deux endroits où l'on enseignait la leçon de l'évangile et du salut. Après la chute, le sabbat, à la fin de la semaine, renvoie au miracle du salut qui n'aura lieu qu'à travers le miracle d'une nouvelle création, selon Ésaïe 65 au verset 17 et Apocalypse 21 au verset 1. Le sabbat est un signe à la fin de notre semaine humaine que la souffrance et les épreuves de ce monde aura également une fin. C'est la raison pour laquelle Jésus a choisi le sabbat comme le jour le plus adéquat pour guérir les malades. Luc 13, au verset 13 à 16. Contrairement à toutes ces traditions dans lesquelles les dirigeants étaient enfermés, Jésus, en faisant ses guérisons le jour du sabbat, renvoyait tout le monde, y compris nous, à l'époque où toute douleur, toute souffrance, toute mort auront disparu, ce qui est la conclusion ultime du processus du salut. Ainsi, chaque sabbat nous désigne l'espérance de la rédemption. De quelle manière, en nous reposant le jour du sabbat, vivons-nous le repos et le salut que nous avons en Jésus dès à présent, ce qui sera accompli en définitive dans la création de nouveaux ciels et de nouvelles terres. Mercredi 30 mars. La création et l'humanité. La création des humains est le tout dernier acte créateur de Dieu, du moins dans le récit de la Genèse. Les humains constituent l'aboutissement de toute la création terrestre, la raison d'être de la création de la terre. Lisez Genèse 1 au verset 26 à 29 et Genèse 2 au verset 7. Quel est le lien entre ces deux versions différentes concernant la création de l'humanité? Le fait que Dieu ait créé les humains à son image constitue l'une des déclarations les plus audacieuses de la Bible. Seuls les humains ont été créés à l'image de Dieu. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, voir Genèse 1 verset 25, mais Dieu créa les humains à son image, selon Genèse 1 au verset 27. On a souvent des interprétations très limitées de cette formule. On considère qu'il est question de la nature spirituelle des humains, où l'image de Dieu représente uniquement le fait de représenter Dieu administrativement ou la relation spirituelle avec Dieu et avec notre prochain. Ces compréhensions sont exactes, mais elles ne peuvent pas prendre en compte l'importance de la réalité physique de notre création. Les deux dimensions sont en effet incluses dans les deux mots « image » et « ressemblance » qui décrivent ce processus dans Genèse 1 au verset 26. Tandis qu'en hébreu, le mot « tselem » « image » renvoie à la forme concrète du corps physique, le mot « demit » « ressemblance » renvoie aux qualités abstraites qui sont comparables à la personne divine. Par conséquent, la notion d'image de Dieu en hébreu doit être comprise au sens global de la conception biblique de la nature humaine. Le texte biblique affirme que les individus humains, hommes et femmes, ont été créés à l'image de Dieu physiquement ainsi que spirituellement. Comme le dit clairement Ellen White, lorsqu'Adam sortit des mains du Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Éducation, page 9. En fait, cette compréhension globale de l'image de Dieu, y compris le corps physique, est affirmée dans l'autre récit de la création qui dit que l'homme devint un être vivant. Genèse 2 au verset 7, littéralement une âme vivante, en conséquence de deux opérations divines, Dieu façonna et Dieu insuffla. Notez que le souffle renvoie souvent à la dimension spirituelle, mais il est également étroitement lié à la capacité biologique de respiration, la partie de l'homme qui fut façonnée de la poussière de la terre. C'est le souffle de vie, c'est-à-dire le souffle spirituel et la vie physique. Dieu accomplira plus tard une troisième opération, cette fois pour créer la femme à partir du corps de l'homme. Genèse 2, au verset 21 et 22. Une manière de souligner qu'elle est la même nature que l'homme. Jeudi 31 mars, la responsabilité de l'humanité. Dès que Dieu créa le premier homme, il lui offrit trois cadeaux. Le jardin d'Éden, Genèse 2, verset 8, la nourriture, Genèse 2, verset 7, et la femme, Genèse 2, verset 22. Lisez Genèse 2, au verset 15 à 17. Quelle est la responsabilité de l'homme envers la création et envers Dieu? En quoi ces deux responsabilités sont-elles liées l'un à l'autre? Le premier devoir de l'homme concerne l'environnement naturel dans lequel Dieu l'a placé, le cultiver et le garder, selon Genèse 2, verset 15. Le verbe « avad », cultiver, renvoie au travail. Il ne suffit pas de recevoir un cadeau. Nous devons travailler pour le faire fructifier. C'est une leçon que Jésus répète dans la parabole des talents de Matthieu 25, verset 14 et 30. Le verbe « shamar », garder, implique la responsabilité de préserver ce qui a été reçu. La deuxième responsabilité concerne sa nourriture. Nous ne devons pas oublier que Dieu a donné la nourriture aux humains. Genèse 1 au verset 29. Dieu a également dit à Adam de manger librement. Genèse 2 au verset 16, selon la version Darby. Les humains n'avaient pas créé les arbres, ni la nourriture qui poussait dessus. C'était un cadeau, un don de la grâce. Mais il y a également un commandement ici. Ils devaient recevoir et apprécier le don généreux de Dieu qui avait donné tous les arbres. Dans le cadre de cette grâce, cependant, Dieu ajoute une restriction. Il y a un arbre particulier dont ils ne doivent pas manger. Profiter de tout sans aucune restriction conduira à la mort. Ce principe se trouvait déjà dans le jardin d'Éden sur bien des plans. Il est encore valable aujourd'hui. La troisième responsabilité de l'homme concerne la femme, le troisième cadeau de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cette déclaration extraordinaire est une expression forte qui souligne la responsabilité humaine envers l'alliance du mariage et l'objectif de devenir une seule chair, c'est-à-dire une personne. Voir Matthieu 19, au verset 7 à 9. La raison qui fait que c'est l'homme, et non la femme, qui doit quitter ses parents est peut-être liée avec l'emploi générique biblique du masculin. Le commandement s'applique peut-être aussi à la femme. Quoi qu'il en soit, le lien de mariage, bien qu'il s'agisse d'un cadeau de Dieu, implique la responsabilité humaine une fois que le don a été reçu, une responsabilité qui repose à la fois sur l'homme et sur la femme si l'on veut qu'il s'accomplisse fidèlement. Réfléchissez à tous ceux que vous avez reçus de la part de Dieu. Quelles en sont les responsabilités qui vous incombent? Vendredi 1er avril, pour aller plus loin. Lisez Ellen White, La science et la Bible, pages 125 à 27 dans Éducation. La création dans l'histoire de la création, pages 18 à 20. Puisque le livre de la nature et le livre de la révélation portent le sceau du même puissant esprit, ils ne peuvent être en désaccord. Ils témoignent des mêmes grandes vérités par des méthodes différentes et dans un autre langage. La science découvre souvent... Je reprends, la science découvre sans cesse de nouvelles merveilles, mais ses recherches n'amènent rien au jour qui, bien compris, soit en désaccord avec la révélation divine. Le livre de la nature et la parole écrite s'éclairent mutuellement. Ils nous font connaître Dieu en nous dévoilant quelque chose des lois selon lesquelles il opère. Des conclusions erronées tirées des faits observés dans la nature ont néanmoins laissé supposer qu'il y avait conflit entre la science et la révélation, et en s'efforçant de rétablir l'harmonie, on a adopté des interprétations qui minent et détruisent la force de la parole de Dieu. On a prétendu que la géologie contredisait l'interprétation littérale du récit mosaïque de la création. On a dit qu'il a fallu des millions d'années pour tirer la terre du chaos. Et afin de mettre la Bible en accord avec cette théorie, on a fait des jours de la création des longues périodes indéterminées, couvrant des milliers et même des millions d'années. Une telle conclusion est entièrement gratuite. Le récit biblique s'harmonise avec lui-même et les enseignements de la nature. Ellen White, livre Éducation, pages 125 à 126. À méditer, pourquoi la qualité de notre foi serait-elle affectée si nous croyons que ces histoires des commencements étaient des légendes, des mythes essentiellement conçus pour nous enseigner des leçons spirituelles, mais sans réalité historique? Quels indices dans le texte biblique indiquent que l'auteur biblique savait qu'ils étaient historiques, tout comme le sont les autres récits du livre de la Genèse? Quel est le témoignage de Jésus concernant la vérité historique de ces récits? Que nous enseigne le récit de la Genèse sur l'importance d'une bonne gestion de la terre? Comment peut-on être de bons intendants de notre planète tout en évitant le danger qui consisterait à adorer la création et non le Créateur, ce qui constitue une véritable tentation, selon Romains 1 au verset 25. Malgré les ravages que le péché a causés au cours de tous ces millénaires, de quelle manière la merveilleuse beauté originelle et la majesté de la très bonne création se manifestent-elles encore en nous, nous parlant avec force de la bonté et de la puissance de Dieu?